إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل ليس بأمر الشارع فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. فلهذا كان لزاما على كل مسلم أن يسعى جاهدا في معرفة دينه ومعرفة السنة من البدعة حتى لا يقع فيها وهو لا يشعر. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عباد الله، إن من أعظم أسباب انتشار البدع وما لا أصل له بين المسلمين الجهل والتقليد الأعمى. يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلقد جعل الله تعالى في السنة أربعة أشهر حرما، وشدد على العبد أن يرتكب فيها المحرمات. وإن من أعظم المحرمات على العبد ارتكاب البدع، فالبدعة في الجملة أشد حرمة وأعظم إثما من المعصية، بل ومن الكبيرة، فالبدعة أكبر من الكبيرة. وهذه الشهور وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، ونحن في هذا الشهر شهر رجب نلحظ أن هناك بدعا كثيرة يقع فيها الناس وهم لا يشعرون، بل يعتقدون أنهم على هدى وأنهم مأجورون على ذلك. وكثير من هذه البدع تنتشر وخصوصا بين الصوفية، وقد بين الإمام ابن حجر رحمه الله أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رجب حديث، وكل ما جاء فيه فهو إما ضعيف أو موضوع. عباد الله، قبل تعداد ما يفعل في هذا الشهر من البدع، ينبغي أن نبين أصلين عظيمين لا تقبل أعمال العباد إلا بهما، وهما الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن اختل أحدهما لم يقبل العمل، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقوله فليعمل عملا صالحا يعني متابعا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون فيه من البدع، كما جاء في تعريف معنى الشهادة بأن محمدا رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقوله سبحانه وتعالى لما قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا الشرط الثاني أن يكون مقصد العبد في عمله هو وجه الله سبحانه وتعالى فقط، يعني لا يكون في عمله شرك ولا يقصد غير الله سبحانه وتعالى في عمله، ولا يكون في عمله رياء ولا شيئا من ذلك. فهذان الشرطان إذا اتضح هذا فكل عمل يتقرب العبد فيه لربه خصوصا في هذا الشهر فلا بد من معرفة مدى شرعية هذا العمل، فنقول إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل شهر رجب حديث غير أنه من الأشهر الحرم، وهذا لا يقتضي إحداث أعمال فيه لم يأتي بها الشارع الحكيم. عباد الله، إن المسلم الطالب للخير والثواب يبحث في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع إني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليعلم العبد المسلم أنه إن أراد الخير والتمسك بالطاعات فليتعلم السنة وما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يعبد الله على بصيرة، فمن فعل ذلك فقد ضمن له الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. فعلينا أن لا نزيد في دين الله ما ليس منه، وعلينا أن نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم السنة سفينة نوح، من ركب فيها نجا، فماذا يريد المسلم إلا النجاة؟ عباد الله، إن مما ابتدعه الناس من أنفسهم ولم يرد به الشرع صيام شهر رجب أو بعضه اعتقادا أن للصيام فيه ميزة على غيره، ولم يصح في صوم شهر رجب بخصوصه حديث، ولكن من كان له عادة صوم يصومها فليفعل، بل لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا سوى رمضان. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول ما رجب، إن رجبا كان يعظمه أهل الجاهلية فلما كان الإسلام ترك. وفي رواية كره أن يكون صيامه سنة. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى أهله يتهيئون لصيام رجب فقال لهم أجعلتم رجبا كرمضان؟ وألقى السلال وكسر الكيزان. ومن البدع المحدثة في رجب إحياء أول ليلة جمعة من رجب وصيام نهارها وهي التي يسمونها صلاة الرغائب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أول خميس من رجب وليلة تلك الجمعة التي تسمى الرغائب فإن تعظيم هذا اليوم والليلة إنما حدث في الإسلام بعد 104. وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء ومضمونه فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة المسمى عند الجاهلين بصلاة الرغائب. وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء من الأصحاب وغيرهم وهو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم وعن هذه الصلاة المحدثة وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة الأطعمة وإظهار الزينة ونحو ذلك حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من بقية الأيام وحتى لا يكون له ميزة أصل. انتهى كلامه. ومما يفعل في شهر رجب التقرب لله بالذبح. وقد كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة فجاء الإسلام وأبطلها. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. ومن ذلك أيضا صلاة أم داود تفعل في يوم في وسط رجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك يوم آخر في وسط رجب تصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا. انتهى كلامه. ومنها كذلك العمرة في رجب وإن قال بعض أهل العلم بفضلها فيه إلا أن الصواب عدم الدليل على فضل العمرة فيه بل لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يأمر به. وقال أنس وابن عباس إن عمره صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة. وقال ابن القيم من قال إنه اعتمر في رجب فهذا غلط فإن عمره مضبوطة محفوظة لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة. انتهى كلامه. فبهذا يظهر لنا أن من خص رجب بالعمرة فيه معتقدا أن لها مزيد فضل على غيرها من الشهور فقد أحدث في الدين وعمله مردود عليه كما صحت به السنة. وأما من وافقت عمرته شهر رجب من غير قصد فلا يدخل في ذلك. ومما أحدثه الناس في شهر رجب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يزعمون أنها ليلة 25 من رجب. وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولا في غيره وكل ما ورد في تعيينه فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث. ولو ثبت تعيينها لم يجوز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات ولم يجوز لهم أن يحتفلوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل، ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا، فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة، ولم يفرطوا في شيء من الدين، بل هم السابقون إلى كل خير. فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ. عباد الله، إن البدع التي أحدثها الناس كثيرة وللأسف، ولكن ما أحسن الثبات على السنة وأن لا يعمل المسلم أي عبادة يتقرب بها إلى الله حتى يعلم دليلها أو يسأل عنها أهل العلم ليكون على بصيرة من دينه. يقول تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، serviteurs d'Allah, craignez Allah. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie et rajoute quelque chose, alors cela sera rejeté. C'est-à-dire l'action qu'il fait, cela sera rejeté. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter. Approchez-vous un peu. Ceux qui sont devant, s'il y a de l'espace devant vous, essayez de remplir cet espace pour essayer de donner plus d'espace à ceux qui sont derrière. Barakallahu finkum. Naam. Et donc, toute action qui est faite dans l'islam et qui est une invention, c'est-à-dire que ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a ordonné ou enseigné, et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas révélé dans le Coran, alors dans ce cas-là, cette action-là, la personne qui l'a fait, qui fait cette action, même s'il en fait beaucoup, même s'il se fatigue pendant des jours et des semaines, des mois et des années pour faire cette œuvre, cette action, eh bien, elle sera rejetée. Allah subhanahu wa ta'ala ne va même pas l'accepter. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. C'est-à-dire celui qui pratique quelque chose, il prétend que ça fait partie de l'islam, mais cette chose ne fait pas partie de l'islam parce qu'elle n'existe pas dans les textes de la religion, elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas dans les hadiths authentiques, alors cette action-là ne sera pas acceptée. Peu importe que ce soit lui-même qui l'a inventé, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui l'a inventé et que lui l'a pratiqué après lui, dans les deux cas, cette action-là ne sera pas acceptée de sa part. Et donc c'est le devoir de chaque musulman de faire des efforts pour apprendre correctement sa religion des sources authentiques, et de connaître la différence entre ce qui est une sunnah et ce qui est une bid'ah, c'est-à-dire ce qui fait réellement partie de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce qui est une innovation qui a été inventée et rajoutée et qui n'a pas de source ou de référence authentique dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran, de demander à ceux qui ont la science, lorsque on ignore quelque chose à propos de l'islam, de demander aux ulama. Et parmi les causes de la propagation des innovations et des choses qui n'ont pas de référence ou de source dans l'islam, la raison pour laquelle ces choses-là se propagent parmi les musulmans, en grande partie, c'est à cause de l'ignorance. Et une autre raison également pour la propagation de ces innovations-là, c'est à cause du suivi aveugle. C'est-à-dire que les gens suivent aveuglément ce que quelqu'un d'autre fait, ou ce que quelqu'un dit, sans retourner à la preuve. Et parfois même, c'est possible que quelqu'un, même s'il a de la science ou il a du savoir, et qu'il fait quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire que ce qu'il fait, c'est quelque chose qui est en accord avec la sunna, puisque quelqu'un parfois peut se tromper, quelqu'un parfois peut faire des erreurs, quelqu'un parfois peut avoir suivi quelque chose qu'il a appris de quelqu'un, mais il ne connaît pas la référence, il ne connaît pas la source, il ne connaît pas la preuve de cette pratique. Et donc, quand il pratique cette chose-là en suivant aveuglément quelqu'un d'autre, eh bien, le résultat, c'est que il fait des innovations sans le savoir. Et les innovations, c'est comme ça que ça se propage, en fait, parmi les gens. Tu vois quelqu'un qui fait quelque chose à côté de toi, et toi, tu sais pas réellement est-ce que ça fait partie de l'islam ou non, mais puisque lui, il le fait, tu t'imagines, bon, probablement que c'est correct. Alors toi aussi tu fais la même chose que lui. Et toi tu fais la même chose que lui. Quelqu'un d'autre va te voir, il va faire la même chose que toi. Et quelqu'un d'autre va voir l'autre personne et il va faire la même chose que lui également. Et donc après les gens commencent à le faire jusqu'à ce que toute la mosquée, tous les gens du quartier, tous les gens de la ville, tous les gens du pays par la suite commencent à le faire. Alors que cette chose-là, elle n'a aucune référence dans le Coran ni dans la Sunna. Et c'est comme ça que les innovations se sont introduites dans beaucoup de pays et dans beaucoup de contrées dans les pays musulmans. Et parmi les choses qui font partie des innovations et qui ont été propagées dans le monde musulman, certaines innovations en particulier qui sont reliées au mois de Rajab. Et certaines personnes, et en particulier dans les pays où le soufisme est propagé, ils ont ces pratiques innovées qu'ils font en particulier durant ce mois. Par exemple, le fait de jeûner le mois de Rajab. Et certains ont cru qu'il y a une particularité au mois de Rajab de jeûner ce mois-là. Il n'y a aucun hadith authentique qui a été rapporté sur un mérite particulier de jeûner durant le mois de Rajab. Et les ulama ont dit que tout ce qui a été rapporté au sujet du mois de Rajab, c'est soit un hadith qui est faible ou qui a été fabriqué. C'est-à-dire que ce n'est pas des hadiths authentiques. Par contre, si quelqu'un avait l'habitude de jeûner, puis qu'il tombe dans le mois de Rajab, et c'est un jeûne qu'il avait l'habitude de faire le reste du temps, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal pour lui de jeûner. Mais le mal, c'est lorsque la personne fait exprès de jeûner durant le mois de Rajab en croyant qu'il y a un mérite spécial ou particulier à jeûner durant ce mois-là. Alors dans ce cas-là, c'est là que ça devient une innovation. Également, qu'est-ce que certaines personnes font pendant le mois de Rajab? C'est qu'ils jeûnent ils font la prière la première nuit de Jumu'ah de Rajab. Et ils jeûnent également le premier Jumu'ah de Rajab. Ils font un jeûne et ils croient qu'il y a un mérite de faire ça. Et la prière qu'ils font dans ce jour-là, ils l'appellent Salat al-Ra'aib. Et ça se pratique en particulier chez les soufis. Et dans certains pays, c'est quelque chose qui est propagé, qui est pratiqué comme une fête. Et dans certains pays, il y en a qui ne le connaissent pas, mais dans d'autres, ils le connaissent. Et donc, c'est pour cette raison que c'est important de savoir que ça ne fait pas partie de la sunna. Que ça fait partie des choses qui ont été innovées Et comme on a dit au début de la khutbah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute action qui a été innovée, inventée, elle ne sera pas acceptée d'Allah, elle sera rejetée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans chaque discours, que la pire des choses, c'est la chose qui a été inventée dans la religion. Wa sharru al-umur muhdathatuha, les choses inventées. Wa kullu muhdathatin bid'ah, et toute chose inventée dans la religion est une bid'ah. Wa kullu bid'atin dalala, toute yani innovation est un égarement, c'est un égarement. Wa kullu dalalatin fi an-nar, et tout égarement sera en enfer, sera dans le feu. Et les sahaba, ils disaient, suivez et ne faites pas d'innovation, car ce que vous avez dans la sunna, ça vous suffit. Et revenez à l'affaire ancienne, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les ulama, parmi les salaf, certains disaient, la sunna, c'est comme l'arche de Noé. Celui qui monte dans la sunna, il sera sauvé. Comme les gens qui sont montés dans l'arche avec Noé ont été sauvés. Et donc c'est pour dire l'importance de suivre la sunna et de s'écarter de ce qui a été innové. Certains d'entre les ulama ont même expliqué que la bid'a est plus grave et plus dangereuse que les kaba'ir, que les grands péchés que les gens peuvent commettre, parce qu'ils légifèrent dans la religion d'Allah. Et donc ça, c'est quelque chose de grave. Et donc, également parmi les innovations que les gens font dans le mois de Rajab, comme on a dit, ils prient la nuit, ils restent pendant la nuit du premier Jumu'ah en prière, et ils jeûnent pendant la journée. Ils appellent ça, on a dit, Salatul Gharaib. Gharaib, ça fait partie des innovations. Également, certains, ils font un sacrifice pendant le mois de Rajab. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit aussi, de faire ça en particulier durant ce mois-là. Parce que c'est une pratique que les gens de la Jahiliyyah faisaient avant l'islam. Et ils appelaient ça Al-Atira. Et donc, de spécifier le mois de Rajab pour faire un sacrifice, ça rentre dans l'innovation et dans l'imitation des gens de la Jahiliyyah. Également, une autre chose qu'ils ont innové pendant le mois de Rajab, c'est une prière qu'ils appellent Salat Ummi Daoud. Il n'y a aucune référence pour ça dans le Coran ni dans la Sunna. Et c'est une prière qu'ils font au milieu du mois. Également, une autre chose que certains ont innové pendant le mois de Rajab, c'est de faire une Umrah. Et il n'y a rien d'authentique rapporté au sujet de faire une Umrah dans le mois de Rajab, ou un mérite particulier. Donc si quelqu'un fait une Umrah durant le mois de Rajab, en croyant qu'il y a un mérite de le faire, alors dans ce cas-là, il a fait une innovation. Toutefois, s'il fait une Umrah durant le mois de Rajab, sans qu'il ait pensé qu'il y a quelque chose de spécifique ou de particulier à ce mois-là, dans ce cas-là, ce n'est pas interdit de le faire. Ça devient interdit uniquement si la personne pense que le mois de Rajab a une particularité. Et lorsqu'on retourne à la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait de umrah durant le mois de Rajab. Les umrah qu'il a fait durant sa vie, les ulama ont dit qu'elles étaient toutes dans le mois de Dhul-Qa'da et non pas dans le mois de Rajab. Et donc ça fait partie de certains égarements et certaines innovations que les gens font. Et également, une autre chose qu'ils pratiquent vers la fin du mois de Rajab, la 25e nuit du mois de Rajab, ils célèbrent ce qu'ils appellent la fête de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Et ça aussi, ça fait partie des innovations. Il n'y a rien, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui indique le fait de célébrer cette fête. Et on ne sait pas réellement dans quel jour ou dans quel mois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Al-Isra ou Al-Mi'raj. Il n'y a rien d'authentique qui a été rapporté à ce sujet. Et même s'il y avait quelque chose d'authentique à ce sujet-là, il n'y a rien qui prouve ou qui justifie la célébration ou le fait de faire des adorations particulières durant cette nuit-là. Donc tout ce que les gens font comme célébration ou comme fête durant cette nuit qu'ils appellent Al-Isra ou Al-Mi'raj rentre dans les innovations. Et les Sahaba n'ont jamais célébré ce genre de pratique. Et donc ça rentre dans les innovations. Et sachez que pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et nos actions, il faut qu'elles respectent deux conditions. Et la première condition, c'est que l'œuvre doit être faite avec ikhlas, avec sincérité, pour Allah seul, et qu'on n'associe rien avec lui, et qu'il n'y ait aucune forme de shirk ou de riya dans notre action. Ça, c'est la première condition. Si on fait des œuvres, mais qu'elles ne sont pas faites avec ikhlas, elles ne seront pas acceptées d'Allah. De même que si on fait une action, et ça c'est la deuxième condition, si elle n'est pas faite en accord avec l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en accord avec sa sunnah, alors également cette œuvre-là ne sera pas acceptée d'Allah. Et donc il faut que l'œuvre qu'on fait dans la religion pour que Allah l'accepte, elle soit en accord avec ces deux conditions fondamentales, al-ikhlas ou al-mutaba'a, la sincérité, et qu'elle soit en accord avec le fait qu'on suive l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la règle de base dans l'islam, si vous voulez comprendre, et c'est un principe, que vous ne devez rien pratiquer excepté si vous avez une preuve authentique du Coran et de la Sunna. Et si vous avez un doute à propos d'une pratique quelconque, alors dans ce cas-là, retournez aux hommes de science parmi les ulama qui suivent la Sunna et qui s'accrochent à la Sunna et demandez-leur au sujet de cette pratique ou au sujet de cette croyance pour savoir si cette chose est correcte et si elle a été établie par les preuves du Coran et de la Sunna. Et si vous suivez cette règle, par la permission d'Allah, vous ne serez jamais égaré. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai laissé deux choses après moi, si vous restez accroché à celle-ci, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah et ma sunna. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا